devient le temps qu'il reste, nous dévoile la face de l'horizon céleste. Quand le temps qui passe rédige sans conteste la future préface de l'oraison funeste, alors le temps qu'il reste sous cette carapace engendre au moindre geste la force des grimaces. Et pourtant on ne proteste, la vie est si tenace. Quand le vent efface d'un revers manifeste jusqu'à la moindre trace des souvenirs nous délaissent, au fond de l'impasse, dans le précipice de l'âme, chute libre en disgrâce, sans pouvoir rendre l'arme. Alors le temps qu'il reste, avant que ne trépasse ces heures indigestes à en boire la tasse, si la gangrène empeste, autant céder la place. Quand le printemps ne dure que l'écho d'un instant, fugace et sans mesure, à la merci des vents. Quand l'hiver infini réveille les douleurs de ce corps meurtri, en veille mes batailleurs. Alors le temps qu'il reste a perdu toute grâce, est devenu comme la peste, une vague vorace, figeant la longue sieste dans une mer de glace.